comme un arceau. J'ai un truc au-dessus de la tête depuis le berceau. Je lève les yeux, je regarde en l'air, je ne vois pas bien. Je lève les yeux, je regarde en l'air, mais je ne vois rien. J'ai quelque chose au-dessus de ma tête. Quelque chose au-dessus de ma tête depuis je suis né. Lève le nez, je sais pas quoi faire, tout est bien trop. Je lève le nez, je quitte la terre, comme les corbeaux. Avec de la poudre et un tuyau, je vais m'amuser. La poudre et un tuyau, je vais faire une fusée pour les coller, pour aller voir au-dessus des nuages. Si tout est froid, si tout est noir, je ferai ce voyage. Et je vous ramènerai un peu de ciel bleu. Oui, je vous le promets, un petit coin de ciel bleu.